Selon le journal d'internet sud-coréen Tonglius, les membres des formations de différentes couches et autres citadins de Daesun, Corée du Sud, ont livré le premier courant une campagne de protestation à l'occasion du 98e anniversaire du soulèvement populaire du 1er mars. Les manifestants ont fait remarquer que la veillée à la bougie d'aujourd'hui est une campagne pour recouvrir la souveraineté populaire sur la base du soulèvement du 1er mars, du soulèvement du 19 avril, de la résistance populaire de Gwangju et de la résistance de Jeon. Ils ont appelé à lutter toujours la bougie à la main jusqu'à l'arrivée du nouveau printemps de la population, de la paix et de la réunification.